les sources de l'angoisse. Pour une première question, j'aimerais que, Bernard, vous nous donniez la raison fondamentale pourquoi l'individu, devant une action qui peut s'avérer pour lui importante, peut remettre en question systématiquement, continuellement, son geste ou sa décision et, évidemment, générer une angoisse qui peut évidemment l'emmener très loin dans une détérioration de sa confiance en soi ou même de son acte comme tel. Qu'est-ce qui amène un individu à ces remises en question qui peuvent être très profondes et régulières chez un individu et générer une angoisse? Le phénomène de l'angoisse, c'est un phénomène psychique. Dans ce sens que il résulte du fait que le temps de l'ego et le temps de son esprit ne sont pas coordonnés. Et ça, c'est causé par le fait que pendant l'évolution, pendant des millénaires, surtout depuis que l'homme a développé la philosophie de l'être, et qu'il a été établi que l'homme possède un libre arbitre. L'homme a été forcé de réaliser qu'il y a une disjonction qui s'établit dans sa vie entre ce que le libre arbitre devrait lui donner et ce que la vie lui propose. Et ceci fait partie de l'expérience de l'âme. Ceci fait partie de la domination de l'âme sur l'ego. Ceci fait partie de l'inconscience. Pour réellement comprendre l'anxiété, il faut comprendre comment ça fonctionne la vie. Donc, il faut que l'homme réellement ait contact avec son intérieur, mais d'une façon télépathique, pas simplement d'une façon intuitive. Il faut que l'homme vive une communication mentale comme il peut vivre une communication avec les humains qui sont autour de lui. Donc, vous avez dans cette expérience d'anxiété toute une trame de réalité qui n'est pas conclue. C'est ça qui fait partie de l'évolution. L'anxiété en elle-même est l'expression de l'incapacité de l'ego de s'adapter aux lois de la vie. Et dans un autre mouvement, c'est le résultat de l'incapacité de la vie de se faire sentir à travers lui par le biais du mental. Donc, il se crée dans l'expérience de l'homme, dans l'expérience de l'âme, dans l'expérience de l'ego, une sorte de retenue constante qui épuise et qui remet constamment en question la valeur fondamentale de l'être, celle d'être libre. Donc l'anxiété, c'est dénote fondamentalement chez l'homme un manque de liberté. Là, vous allez dire, mais comment est-ce que l'homme peut en arriver à être libre? L'homme ne peut pas en arriver à être libre par la voie philosophique. Il ne peut pas en arriver à être libre par le processus de l'auto-analyse. Pour que l'homme en arrive à être libre, c'est-à-dire libre d'anxiété, il faut qu'à un certain niveau ou à un autre, qu'il connecte avec son intériorité. Par contre, l'anxiété varie chez les hommes selon la nature profonde de l'âme. Il n'y a aucun homme qui peut vivre la même anxiété qu'un autre. Ce qui est anxieux pour un ne l'est pas pour l'autre. Donc l'homme a avantage non pas simplement à se connaître, comme l'aurait dit Socrate, parce que se connaître, dans le fond, dans le cadre du slogan socratique, c'est simplement une prise de position philosophique ou ésotérique. L'homme ne doit pas nécessairement se connaître. Il doit connaître comment fonctionne la vie et ensuite il en bénéficie. Si nous demandons simplement à l'homme de se connaître, nous demandons à son intellect de comprendre la vie. Et ce n'est pas par l'intellect que l'homme peut comprendre la vie. C'est par une autre faculté qui fait partie de son troisième œil, qui fait partie de sa conscience réelle, qu'il peut comprendre les subtilités de son esprit qui, en retour, va lui expliquer la vie. Et à ce moment-là, l'anxiété ne peut plus exister parce que il se fonde une unité, une relation entre l'esprit et la vie. Et la vie, c'est l'esprit dans l'homme. Est-ce que vous dites que se comprendre suppose un aspect subjectif, c'est-à-dire une réflexion de soi-même? Très juste. Et que comprendre la vie, c'est dépersonnaliser? C'est objectif. Comprendre la vie, c'est une science intérieure. C'est une science du mental. Se comprendre, c'est une réflexion sur soi. Est-ce que c'est ça la source de l'angoisse ou de l'anxiété? C'est ça qui est responsable de créer dans l'homme l'illusion d'un certain équilibre. Et il s'aperçoit au cours de son expérience qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent. Et si la chose continue constamment à arriver, mais effectivement, il vit une grande anxiété. Ceci est repris par les rêves. Ceci est repris par les événements. Et l'homme ne semble jamais être capable de casser quelque chose. Et la raison pour laquelle il n'est pas capable de casser quelque chose, c'est parce que il n'a pas l'expérience de son intelligence. Il n'a que l'expérience de son intellect. Il n'a que sa façon purement mémoriel, subjectif de voir les choses. Il n'a que son intellect pour lui donner un aperçu de ce qui n'est pas réel. Donc, il s'enfonce, et vous ajoutez les émotions là-dedans, vous ajoutez la mémoire là-dedans, vous ajoutez la manipulation astrale, psychique dont l'homme est totalement inconscient là-dedans, mais vous avez facilement accès à l'anxiété. Est-ce que l'angoisse ou l'anxiété... Il n'y a pas de nuance, là? Il y en a une. Oui. L'anxiété, c'est l'aspect psychologique de l'angoisse. L'angoisse, c'est la déchirure profonde de l'âme face à l'explosion dans sa vie de toutes sortes d'expériences qu'il n'est pas capable de mater. Donc, l'angoisse, c'est réellement au niveau de l'âme. L'anxiété, c'est au niveau psychologique. Et un est simplement la partie du iceberg. Un prépare l'autre. L'anxiété est en relation avec l'autre. L'anxiété, c'est la partie en surface du iceberg. L'angoisse, c'est le fond. Okay. Est-ce que l'angoisse pour un individu est fondée sur le fait qu'il se donne une finalité? Est-ce que c'est le fait de se fixer un objectif ou de voir la vie d'une certaine façon qui va générer éventuellement une angoisse profonde? Non, ça c'est une anxiété. L'homme dans la vie a une anxiété qui peut devenir une angoisse. L'homme a une anxiété, c'est-à-dire qu'il fonctionne normalement au niveau psychologique, mm-hmm. avec son intellect, ses pensées. Mais s'il n'est pas capable de réussir à mettre un certain ordre dans sa vie, un sens à sa vie, à ce moment-là, il va vivre une angoisse. Et vous voyez, vous venez de dire un sens à la vie. Direction. Tout le monde parle de sens. Ma vie a-t-il un sens? Je me cherche un sens. Quand c'est pas un sens? C'est pas un sens. L'homme, il fait toutes les choses à l'envers. Ouais. Il cherche un sens à sa vie au lieu de chercher un ordre dans sa vie qui donnera à sa vie le sens qu'elle a de besoin pour bien se parcourir. On fait les choses à l'envers. Donc, automatiquement, en se cherchant un sens, on fait de l'anxiété. Mm-hmm. En cherchant un ordre, ou en essayant de trouver l'ordre, ou en essayant d'établir l'ordre dans la vie, ce qu'on ferait, c'est qu'on détruirait l'angoisse. En détruisant l'angoisse, l'anxiété partirait. Donc, on fait à l'envers. On taponne au niveau de la partie supérieure du iceberg, mais on ne travaille pas au niveau du fond du iceberg. Et là, on va dire, ben oui, mais on va commencer à travailler au niveau du iceberg à la pointe, puis ensuite, on s'occupera du fond. Et c'est le contraire, on doit aller dans le fond, et la pointe va disparaître. Parce que si on s'occupe de la pointe, le fond va toujours demeurer. Donc, quand vous dites, par exemple, quand vous ajoutez sens au lieu d'ordre, déjà, vous faites une erreur. parce que se chercher ou chercher du sens dans la vie, c'est l'affectation qu'a l'ego pour sa propensité psychologique, alors que l'ego devrait s'occuper de se créer un ordre global dans sa vie, et de ceci, il vivrait le sens de sa vie. Mais l'ordre dans la vie d'un individu, ça lui a été dicté dans son développement familial ou social. Est-ce que l'ordre dont vous parlez, c'est un ordre qui a des caractéristiques humaines, sociales, ou c'est une autre sorte d'ordre dont vous parlez? L'ordre dont je parle, c'est un ordre qui a une qualité mentale supérieure, qui fait partie de l'intelligence de la conscience, et qui doit s'imposer sur le manque d'intelligence ou sur la mécanicité de la vie. Je donne un exemple. Je donne un exemple simplement pour illustrer quelque chose. Vous avez une jeune femme qui est en amour avec son patron au bureau, qui lui est en amour avec une autre femme et qui est mariée à une autre femme. Donc, elle vit un amour de bureau profond. Lui est déjà marié. Ensuite, il y a une maîtresse, puis il y a elle. Fait qu'il y a deux maîtresses, ça va. Cette personne-là, si elle est la moindrement intelligente, elle va le sacrer là, elle va arrêter ça, elle va couper ça, parce que, quelque part dans le temps, le type, soit qu'il revienne à sa femme, très probablement, ou s'il ne revient pas à sa femme, il va avoir déjà pris l'habitude de deux femmes, peut-être qu'il va en avoir trois, fait qu'elle sera jamais seule, mais elle l'aime. Vous savez qu'est-ce que c'est une femme quand ça l'aime? C'est terrible. C'est terrible, un amour de bureau. Terrible. Bon, alors à ce moment-là, si elle ne met pas d'ordre dans sa vie, donc il y a quelqu'un qu'elle rencontre qui dit, bon, mais écoute Madeleine, si tu n'arrêtes pas ça, tu vas souffrir. Bien, elle répond, mais je l'aime. Donc, il y a une partie d'elle qui aime, ça c'est l'âme. Il n'y a pas d'ordre là. Il n'y a pas d'ordre là-dedans. C'est un désordre voulu aimer. C'est de la flagellation, mais aimer dans une condition telle que la sienne, c'est tellement extraordinaire que ça va y prendre des grandes preuves pour qu'elle casse. Donc, ce n'est pas le conseil de sa petite chum ou le conseil d'autres personnes qui vont faire qu'elle va casser son amour de bureau parce qu'elle vit une expérience d'âme trop profonde. Elle a quelque chose à apprendre. Mm-hmm. Ce qu'elle a à apprendre, c'est qu'elle doit casser sa tête de cochon dans l'amour. Mais le désordre qui est occasionné dans cette situation-là est vécu pour elle comme étant un bien-être. Ce désordre-là qu'elle vit au début, c'est un bien-être. Mais donnez-y 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Ça va être un enfer. Parce qu'au bout de 7 ans, elle ne voudrait pas marier. Il a connu toute la géographie de son corps. Il a connu tout d'elle. Il en connaît d'autres. Puis en plus de ça, il a la sécurité de sa femme qui aime bien. Anyway, ça fait que si elle n'est pas assez intelligente pour réellement mettre de l'ordre dans sa vie, à ce moment-là, il n'y aura jamais de sens dans sa vie. Elle a vu s'en donner un sens. Fait qu'elle continue, puis elle arrive toujours une demi-heure avant le temps, 8 du matin. La meilleure employée du bureau, pas 8 heures, 7 heures et demie. Elle donne un sens à sa vie. Le monde dit, comment ça se fait que tu arrives sur le bonheur? J'aime ma job, je comprends qu'elle aime sa job parce qu'il est là. Mais quand il prend des vacances le mercredi, elle aime pas ça. Fait que ça va loin, la peine. Fait que... Donc, le désordre pour un individu, pendant une certaine période de temps, ça peut être une forme de bien-être, mais... Ben oui, c'est du parfum, c'est un élixir, c'est un espoir. Puis je vais vous dire une chose, l'homme de la terre vit et piétine et entretient constamment une forme quelconque de désordre ordonné. De désordre toléré? De désordre ordonné. Ordonné. Il y en a, c'est du désordre réellement désordonné, mais il y en a, c'est du désordre ordonné, et on vit et on entretient, on peut entretenir un désordre ordonné pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ma grand-mère a vécu un mariage avec mon grand-père dans un désordre ordonné pendant 60 ans. C'est à 60 ans, là, pendant 60 ans, là, les petites games d'égo entre les deux, puis les petits ci, puis les petits ça, pendant 60 ans. Aujourd'hui, on est un petit peu plus intelligent, là, on coupe ça short. Mais dans ce temps-là, ça a-tu duré longtemps, les désordres ordonnés? Mais ça n'a pas changé parce qu'on a d'autres sortes, d'autres formes de désordres ordonnés. et parce qu'il y a là-dedans beaucoup de passion, beaucoup de pulsion, beaucoup d'âme, on continue à les maintenir, puis ensuite on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas de sens dans notre vie. C'est pour ça. Mais là, présentement, je suis anxieux parce que je ne sais plus qu'est-ce qui est de l'ordre et du désordre. La caractéristique de l'ordre... La caractéristique de l'ordre, dans le sens conscient du terme, oui, oui, c'est une faculté mentale sans émotion qui permet à l'homme de mettre la hache dans tout ce qu'il nuit. Comment arrive-t-on à cette évidence? À court ou à long terme? À court ou à long terme? Il y a des conditions... Souvent, il y a des affaires, il y a des conditions de respect qu'il faut prendre. Il y a toutes sortes de choses. Oui. De l'intelligence, c'est de l'intelligence. Oui. L'intelligence, c'est toujours intelligent. Mais à court... C'est bien ça. L'intelligence, c'est toujours intelligent. Mais à court ou à long terme, quelque part, l'intelligence, elle met la hache dedans. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais l'intelligence, elle met la hache dedans. C'est ça l'ordre. Donc, l'ordre que je parle ou dont je parle... C'est une condition créative du mental qui, avec le temps, dans la mesure où l'homme prend conscience de sa force intérieure, grandit en force intérieure, voit les illusions de son ego, développe du discernement, en arrive à une plus grande lucidité, ainsi de suite. Éventuellement, son intelligence créative ne peut pas y empêcher de mettre la hache dedans. Ça, c'est l'ordre. Donc, l'ordre dont je parle ne fait pas partie du désordre ordonné de l'homme. Ce n'est pas une condition psychologique de l'ego. Ce n'est pas une attitude égoïque, c'est une absence totale d'émotion dans le mental, donc c'est la capacité de l'homme d'appliquer sa volonté créative dans sa vie. À partir de ce moment-là, l'homme trouve son sens. L'application de la volonté donne de l'ordre. L'application de la volonté est nécessaire pour avoir de l'ordre dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont de la volonté. Non, l'homme n'a pas de volonté. L'homme est volontaire. De la volonté, c'est la puissance créative de l'intelligence devant les obstacles insolubles par l'ego. Ce que les gens ont, c'est du caractère. Oui. Ah, j'ai du caractère. C'est plein de monde qui ont du caractère. Vous regardez leur vie. Qui veulent faire de l'ordre. Qui dictent des situations. Avoir du caractère, c'est pas assez. Du caractère, ça fait partie de l'âme. Tu viens au monde avec du caractère. Tu l'as, tu l'as pas. T'as une tête de cochon, tu t'es bien fin. Tu viens au monde préparé, t'es programmé. Mais avoir de la volonté, tu viens pas au monde avec ça. Pour avoir de la volonté, il faut être intelligent. Tu peux pas avoir de la volonté si t'es pas intelligent parce que c'est l'intelligence de la vie qui t'amène à avoir de la volonté. Puis la volonté qui t'amène à avoir plus d'intelligence, l'intelligence qui t'amène à avoir de la volonté, puis la volonté qui t'amène à avoir d'intelligence. Tu peux pas avoir de volonté sans intelligence. Tu peux pas avoir d'intelligence sans volonté. Les deux vont ensemble. Puis après, quand t'es là, ces deux-là, là, tu peux bénéficier et vivre d'amour dans le sens d'une conscience qui aime intelligemment. Mais en bas ou en dessous de ça, la volonté de l'homme, l'amour de l'homme, l'intelligence de l'homme, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Il y a combien de personnes qui aiment et qui souffrent? Tu peux pas aimer et souffrir en même temps, ça n'a pas d'allure. C'est bon pour les poètes, ça. Vas-y. Tu peux pas être intelligent et souffrir en même temps, ça n'a pas d'allure. C'est bon pour les philosophes. Tu peux pas avoir de la volonté et pas en avoir en même temps, c'est bon pour les malades. Donc, soit tu n'as de la volonté ou tu n'as pas, de l'intelligence tu n'as ou tu n'as pas, de l'amour tu n'as ou tu n'as pas. Donc, l'amour, la volonté et l'intelligence, ça se polarise pas. C'est pas un jour où tu l'as, un jour où tu l'as pas. Un jour où tu aimes, puis un jour où tu n'aimes pas. Puis un jour où tu es ci, puis un jour où tu n'es pas ça. C'est ça que l'homme appelle de la volonté ou de l'intelligence ou de l'amour. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a de la volonté ou de l'intelligence ou les deux ensemble au moment où on vit de la constance? Est-ce que c'est un élément? Quand tu commences à avoir de la constance dans ta vie, là, puis que tu es capable intuitivement de voir, puis de sentir, puis tu commences à sentir que tu l'as le contrôle, tu en as de la constance. Il n'y a rien de plus plate qu'une vie consciente. Parce que d'une vie consciente, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas heureux à soir, malheureux demain, puis heureux demain soir, malheureux demain soir. C'est ça qui c'est toujours dans. De même. C'est pour ça que je dis un homme conscient n'est pas intéressé à être heureux. Il est intéressé à être bien dans sa peau. Tout le temps. Puis tout le temps. Puis tout le temps. Hitchcock, il disait, quelqu'un avait demandé à Hitchcock une journée, qu'est-ce que c'est pour vous être heureux? Puis Hitchcock, il disait, être heureux, c'est quand il n'y a pas de nuages dans le ciel. Pas de nuages. Tandis que nous autres, être heureux, c'est que ça marche, il n'y en a pas, puis après ça, ça tombe, il y en a, puis ensuite, il n'y en a pas, puis ensuite, ça. Mais ça, c'est l'expérience de l'âme. Un homme conscient n'est pas intéressé à être heureux à soi et puis malheureux demain. Avoir de la volonté à soi et pas en avoir demain. Être intelligent à soi et puis être stupide demain. Soit que tu l'es tout le temps ou que tu ne l'es jamais. Donc, pour l'être tout le temps, mais il faut qu'il voie à travers les illusions de son intelligence qui monte, qui descend, son amour qui monte, qui descend, sa volonté qui monte, qui descend. Est-ce qu'un individu peut être constant et quand même avoir dans sa vie des hauts et des bas? Tu peux être constant et vivre des changements vibratoires dans ta vie. Mais les changements vibratoires dans ta vie font partie du raffinement de tes corps. Mais tu es toujours bien dans ta peau. Mais ça fait partie du raffinement de tes corps parce que ton esprit travaille, puis raffine, puis raffine, puis raffine. Mais tu as toujours la volonté. Tu as toujours l'intelligence. Tu as toujours l'amour. Tu as toujours la volonté dans le sens que il peut te mettre... Bon, je te donne un exemple. Moi, je peux avoir une situation, une expérience qui va arriver dans ma vie, puis bon, ça va changer mes vibrations un peu, mais un peu, parce que si ça change trop, c'est final. Moi, je suis capable, je retourne mon chapeau de bord, de même. Autrement dit, je veux bien là que mon esprit travaille, l'intégration, puis la conscience, puis tout ça, là, que j'appelle la conscience, là. Mais brosse-moi pas le cul trop. Parce qu'il va venir un jour comme à casser ma situation, donc tu ne pourras pas rien faire. Tu veux mettre ma maison en. Il m'arrive un accident, ma maison passe en feu, m'arrive m'asseoir le cul d'un île, d'une petite cabane en papier. Je suis capable de le faire. Je lis la volonté de le faire. Donc, c'est comme s'il vient un point où ta source ne peut pas taponner trop avec tes reins. Pis ça. Puis ils vont te le dire. Mais donc, il vient un point dans la vie de l'homme où l'homme commence à avoir le contrôle. On s'est fait chier dessus pendant l'involution. Ça, c'était normal. On était ignorant. C'est l'involution de l'âme. C'est l'expérience de l'âme. Mais à partir du moment où l'homme commence à connaître la game qui se joue en dedans, là, puis qu'il commence à réellement savoir ce qui se passe, puis ils vont pas te le dire. Il faut que tu le découvres. Tu le découvres. Fait que finalement, là, l'homme devient suffisamment créatif, autrement dit, il a assez de lumière dans son mental pour avoir de l'air. Finalement, il se crée un équilibre. Fait que sa volonté est là, son intelligence est là, son amour est là. Fait que les forces psychiques de son être peuvent plus taponner avec. C'est là que l'homme commence à être libre. On ne parle pas de sensiblerie, là. L'air... Non, on ne parle pas de sensiblerie, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne tolèrent plus parce qu'ils se disent incapables de supporter une situation... se disant trop sensible, alors qu'en réalité, c'est un manque de volonté. Ouais, de la sensiblerie, c'est de la sensiblerie, ça fait partie de l'âme. De la sensiblerie, c'est une hypersensibilité qui n'est pas réellement mentalisée. Moi, je suis sensible, mais j'ai pas de sensiblerie. Puis ma sensibilité, mais c'est mon garde-fou. Autrement dit, là, taponnez pas trop avec moi. Juste un petit peu, pop, après ça, paf, parce que finalement, l'homme va découvrir qu'il y a beaucoup plus de pouvoir sur sa vie qu'il pensait avant. Mais pour ça, il faut qu'il apprenne d'abord à mettre de l'ordre dans sa vie. Puis ça, l'homme n'a pas appris à mettre de l'ordre dans sa vie. L'ordre dont vous parlez... Et l'expression de la volonté que vous parlez, est-ce que c'est une lutte à finir avec des forces et non pas avec des individus? Ah, bien dit. L'ordre, c'est une lutte à finir avec les forces, ce n'est jamais avec des individus. L'ordre dont je parle, c'est avec les forces en toi, c'est avec toi. Il faut que tu donnes cette partie de toi qui est très forte, qui est cosmique, il faut que tu la donnes, c'est ça l'ordre. Et ce que vous dites, c'est très important parce qu'il est là le point. C'est pas avec des individus. Les individus n'ont rien à faire là-dedans. C'est avec toi-même. Quand l'homme aura la force de mettre son double sur le spot, autrement dit, qu'il aura la lucidité pour voir à travers ses games utiles, créatives, à ce moment-là, l'homme mettra de l'ordre dans sa vie. Et cet ordre-là ne sera pas rompable. Il ne pourra pas être brisé. Un homme qui a de l'ordre dans sa vie, cet ordre-là va demeurer dans sa vie, jusqu'à temps qu'il change de plan, parce que ça fait partie de la fusion de son être. Ça ne fait pas partie de l'expérience de l'âme. Est-ce que vous pourriez dire que L'ordre nécessaire et le combat qu'il y a à faire avec les forces supposent, par conséquent, que toute aide dans notre vie qui peut nous donner l'impression qu'on vit un désordre n'est pas responsable ou coupable, ou n'est pas la source ou la cause de notre désordre. C'est nous-mêmes qui devons absolument vivre. Est-ce que vous iriez jusque-là? On est toujours responsable de notre désordre. Quand même, vous blâmeriez n'importe qui autour de vous, ça c'est un alibi que vous vous donnez. Vous affaiblissez votre position. Chaque être humain est responsable de la qualité d'ordre ou de désordre dans sa vie. Vous ne pouvez jamais dire, ah, ben, ma belle-mère est de même, ou mon grand-père est de même, ou mon frère est de même, ou mon boss est de même. C'est vous qui êtes responsable du statu quo de votre conscience. Et si vous maintenez votre conscience dans un statu quo, la vie va continuer, les perturbations vont continuer, et vous paierez pour. Parce que l'homme, ultimement, c'est un être qui est autodécisionnel. Pas collectivo-décisionnel, autodécisionnel. Pourriez-vous développer? Hein? L'autodécisionnel pour l'homme conscient, c'est la réalisation mentale, quand il est arrivé à un certain niveau de conscience et de fusion, que sa vie, la valeur de sa vie est intouchable, à tous les niveaux. Donc, que ce soit sur le plan occulte, que ce soit sur le plan matériel, sa vie est intouchable, donc il ne peut pas recevoir de l'extérieur de lui-même des indices trop rigoureux qui mettraient sa vie en déséquilibre. Un homme qui est autodécisionnel, dans le fond, c'est un initié. Il est initié à son propre mystère. Il est initié à sa propre réalisation. Et il est capable d'être autodécisionnel pour lui-même. Il peut être autodécisionnel par rapport à ses proches, ses enfants, sa femme, ainsi de suite, les gens avec lesquels il y a une relation de conscience étroite, ainsi de suite. Et ces êtres-là seront autodécisionnels par rapport à lui, donc la famille deviendra elle-même autodécisionnelle, ainsi de suite. Et l'autodécision, c'est la perception créative de la mentalité de l'homme à l'échelle cosmique de son mental. Donc ça n'a pas de limite. Et quand je dis que ça n'a pas de limite, là, ça veut dire qu'un homme rendu à ce point-là est capable de même utiliser les plans occultes de sa conscience pour corriger ce qui ne marche pas sur le plan matériel. Est-ce qu'on pourrait affirmer que quelqu'un qui prend une décision à notre place, ou que l'individu qui se laisse dans l'impression qu'un individu l'a forcé à prendre une décision, crée un désordre dans sa vie? C'est qu'il y a des gens qui, par l'information, prennent une information d'une personne qui vont respecter, mais cette information devient pour eux le prétexte de prendre une certaine décision, mais ça ne vient pas d'eux, c'est pas senti par eux. Est-ce que ça crée du désordre dans la vie de l'individu? Il y a de l'information comme ça qui peut être utile, puis il y a de l'information comme ça qui peut être totalement inutile. Ça dépend de la qualité du conseil, ça dépend de la qualité de l'information. Mais un homme qui, un homme conscient, là, par exemple, peut facilement prendre des conseils ou de l'information venant de l'extérieur. Mais il va mesurer cette information-là par vibration. Il va savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Bon, on va prendre, par exemple, moi, je suis un homme d'affaires. Bon, je suis dans les affaires. Alors, il y a beaucoup d'informations, des décisions qui se prennent dans mon entourage. Bon, alors, je ne peux pas tout faire. Alors, il y a des gens qui prennent des décisions, ainsi de suite. Alors, quand on prend une décision, par vibration, je sais que c'est bon. Ça marche. Mais si on prend une décision qui n'est pas créative, où il y a une faille dedans quelque part, à ce moment-là, je vais l'arrêter. Je deviens autodécisionnel. OK. Vous devenez autodécisionnel. Les gens autour de vous. Les gens autour de moi vont voir la raison de ma décision parce que je vais leur expliquer. Mais expliquer, ça ne leur donne pas la décision. Non, expliquer, ça va corriger leur décision. Ça va donner plus d'amplitude à leur pouvoir décisionnel dans un avenir prochain, dans un autre temps. OK. Autrement dit, il y a des choses qu'ils n'auront pas vues présentement, au niveau du décisionnel, que demain ils verront parce que ça leur a été expliqué. Autrement dit, c'est comme amener leur esprit à aller un petit peu plus loin dans le raffinement créatif de leur mental. Pardon. Donc, la prochaine fois, quand tu prendras une décision, ben, passera bien. J'aimerais appuyer sur le fait que quand vous parlez d'autodécision, vous me parlez d'une reconnaissance vibratoire et non pas d'une logique dans l'information. La logique de l'information est valable seulement dans la mesure où elle permet à l'information d'être codifiée intellectuellement. Oui. La vibration dans l'information est,